mort dans ma carne de mort. Silence reflète ces choses en tombe de langue. Silence résonnait les droites lignes de vie. Consommer, consumer, cramer, tramer, travailler. Sommeil agité des marchands de sable. Sniper, superstar, embusqué sous les sunlights. Fais attirer leurs canons formatés, uniformisés en gros calibre. Fais attirer leurs magasins chargés à blocs de marchandises et d'images top. Fais attirer à retirer, à étirer leurs marches choc. À écouler leurs coques, leurs stocks, leurs coques en stock, en coup de sang. Sans abri, sans emploi, sans papier, sans opinion. Sans éternel, sans interdit, de ses impuissances, dans son culotte. Pour taper la queue au marché, à la jouissance. Sauf le soleil partout, tout souvenir. Au nom du père, diffuser les tous pour nous glisser les terrines. Civilisation des lois, zéro techno branlette. Pas d'attraction et frontières en tout soir. Fais le poussant, nous bouillons, nos cultures mortes et les brasses. Nous termine de la fin de l'histoire comme un travail bien fait, bien fait par les autres. Bien fait pour les autres, les autres, les autres, toujours les autres.